Oh, you gonna get my love, music gonna be a hit combo. Oh, you gonna get my love, please become another trip on road. Les samples nappes avec stupeur. J'aime qu'une guitare me parle. Garde le vibe comme une femme, ma jolie. Cache ton gars, je suis infâme. Et alors, j'adore le stable, la chaleur. Je suis un sale mot qui malmène les mots. J'ai mal du labdostax. Chérie, tes larmes, je suis ton maître de stage. Quand il s'agit de sexe, reste calme. J'ai pas de cérémonie, je suis le maître de cérémonie. My love, you get nothing. Music is my soul. Pour des sales types inaudibles, t'entends dire que MC c'est baissif. Sache qu'ici, mon souci c'est de plaire en une maxime. Facile d'être une plaie sur un maxi, de sortir le single pour les millennials. Dans les clubs, à tous les stades, tout s'attire. Les filles fleurent dans la salut, trouvent leur salut. Avec une brute, elles veulent goûter au luxe, grimper au luxe, goûter à mon groove. J'suis pas le bon négus, je ne déguste que MUSIC. Tu sais, le Lexus, je suis pas pressé. La mélodie caresse mon plexus. C'est pas Karen qui me suce. Arrête, j'ai pas attendu le succès pour sexer mon index, mes textes, et je te mets la fessée. Bébé, si t'es perplexe et que t'es hyper net, bébé, sache qu'avant le cul, il y a la tête. Ce soir, la braguette est close. Pas de liaison dangereuse avec Glenn Close. La musique aura toujours gain de cause. Bitch, pourquoi tu causes? Oh, get my love, cause I'm M-U-S-I-C, my flow now. You get to get be my own now. You justify my love, my battle now. You get nothing. Music is my soul, my love. You cannot make this freak, it's my flow. My love.